Frédéric Sigrist, de quel blockbuster nous parlez-vous ce matin? Alors Mathilde, je sais qu'habituellement je vous parle de films que vous n'avez pas vus. Mmh. Aujourd'hui, je vais faire complètement différemment. Je vais vous parler d'un film que vous n'irez pas voir. Ah. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Hello? What's your name? That'll happen here. The Umbrella Corporation's been experimenting on this town since we were kids. People are getting sick. We have to stop Umbrella. Ça fout la pétoche, hein. Un peu, ouais. Ça fait peur. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller voir ce film après une bande-annonce pareille? Eh ben, c'est juste que sur l'affiche, ils ont écrit une petite phrase. C'était écrit un reboot très réussi de la franchise signé Fun Radio. Doc Beautiful. Moi, quand j'étais adolescent, pendant des années, je les ai écoutés pour savoir comment gérer mes érections matinales. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils s'y connaissent aussi en cinéma. Qu'est-ce que j'en sais? Alors Resident Evil, à la base, c'est un jeu vidéo culte sorti en 1996 sur PlayStation qui a terrifié des générations de joueurs, moi le premier. Et le jeu vidéo Resident Evil s'inscrit dans un genre que l'on appelle le survival horror. Alors en gros, le survival horror, c'est vivre à Paris avec un SMIC. Est-ce que le film est aussi terrifiant que le jeu? Alors, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, est effectivement un film qui peut terrifier des générations de spectateurs. Moi, par exemple, j'étais terrifié qu'on ait pu financer ça. Dans Resident Evil, le jeu, il y a des Doberman zombies qui sautent par la fenêtre. Dans Resident Evil, le film, tu vois de l'argent jeté par la fenêtre. Alors, venez pas me dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services publics, la transition énergétique et la malnutrition. Rien que cette année, j'ai vu Resident Evil, Venom 2, entre ça et Jeff Bezos qui fait mumuse avec sa fusée Zizi, franchement, il y a de l'argent. Alors, l'histoire du film et du jeu est la suivante. Tout commence à Raccoon City. Si la ville existait, elle serait sur le RERD. C'est une ville où à 17h, le pain chez le boulanger, il est tout dur. Et toute l'économie de la ville dépend d'un grand labo pharmaceutique, Umbrella Corporation, qui, suite à un accident, laisse échapper un terrible virus qui va transformer les habitants en zombies sanguinaires. Voilà. Du coup, l'armée va confiner la ville, imposer un couvre-feu, passeport sanitaire, première dose, troisième dose, enfin tout ça. Car on ne le dira jamais assez combien il est nécessaire de retourner au cinéma pour s'évader et penser à autre chose que cette pandémie et les points presse d'Olivier Véran. Resident Evil, c'est le film idéal pour penser à autre chose. Mais ce jeu, il avait déjà été adapté en film, non? Oui, Mathilde, en 2002, par Paul W.S. Anderson et sa compagne, Mila Jovovich, les Bonnie and Clyde de l'adaptation de jeux vidéo. Quand t'es joueur de jeux vidéo, il y a deux choses que tu redoutes, les pannes de courant et les adaptations de Paul W.S. Anderson. Mortal Kombat, Resident Evil, Monster Hunter, cet homme est un récidiviste. Lui, quand il arrive au rayon jeux vidéo de la FNAC, il a l'impression d'être à la cinémathèque. Il a commis 6 Resident Evil avec Mila Jovovich. 6 films qui ont marché en plus, et qui devraient nous renseigner sur l'état du monde. Moi, dès que j'entends un écolo me parler du rapport du GIEC et de la nécessité de faire quelque chose, je lui réponds, franchement, on a laissé Paul W.S. Anderson faire 6 Resident Evil, on est foutu, mec. Et donc, cette nouvelle version est censée être plus fidèle au jeu d'origine que ne l'étaient ces 6 films, parce que les Resident Evil de Paul Anderson étaient aussi fidèles au jeu que Nicolas Hulot ne l'était avec sa femme. Et c'est le cas ? Ah, la belle relance. Oui, Mathilde, c'est du fan service à tous les étages. On retrouve les lieux phares des deux premiers jeux vidéo, on retrouve les personnages, les monstres emblématiques, tout. Sauf qu'il manque un acteur malheureusement irremplaçable, le joueur. Le jeu vidéo est un livre dont on est le héros. C'est une expérience unique et totalement subjective que le cinéma ne peut qu'effleurer. On regarde pas des acteurs jouer à Resident Evil, on joue à Resident Evil. L'industrie du jeu vidéo est depuis longtemps plus florissante que l'industrie du cinéma. Et franchement, avec des films comme celui-ci, sincèrement, c'est pas prêt de changer. Merci beaucoup, Frédéric Sigrist.